Et voilà, merci Nour. Antoine, je te passe la parole pour présenter le programme du jour. Alors, le programme du jour avait déjà débuté ce matin à l'université avec une conférence sur l'intonation juste de Léo Duplex et Mara Winter, rencontre et discussion. Et maintenant, soudain, le partage d'écoute de Richard Youngs qui va se passer dans le salon d'écoute. Ensuite, il y aura une discussion « Qu'est-ce qu'un ensemble de musique contemporaine ?» animée par Nicolas Denain, Anne Gillot et Damien Pousset, suivi de concerts de Natacha Dils avec l'ensemble Contrechamp et Sarah Desfrises. Et ça se passera dans la grande salle une première fois de 17h à 17h30 et une seconde fois en soirée de 19h à 20h. Et ensuite, et puis voilà, et puis, et puis voilà, et puis ensuite ce sera mercredi, on va directement passer au partage d'écoute, donc en direct du salon d'écoute, le partage d'écoute de Richard Youngs, et on vous dit à demain.